Après avoir été bannis du jardin d'Éden, Adam et Ève eurent deux enfants, deux fils. L'aîné s'appelait Caïn et devint fermier, tandis que le plus jeune, Abel, devint berger. Un jour, les deux frères décidèrent d'offrir chacun un cadeau à Dieu. Caïn apporta un sac de grains récolté dans son champ, et Abel, de son côté, apporta un agneau issu de son troupeau. Dieu regarda ses offrandes, et comme il connaissait le genre d'homme qu'ils étaient l'un et l'autre, il n'accepta que l'agneau d'Abel. En effet, celui-ci était bon et sincère, tandis que Caïn, lui, était fier et intéressé. Caïn devint furieux, et alors qu'il s'éloignait, Dieu lui expliqua la raison de son refus, l'encourageant une nouvelle fois à se remettre en cause et à oublier sa méchanceté naturelle. Caïn n'écouta pas l'avertissement de Dieu et se mit à haïr de plus belle son jeune frère qui, lui, bénéficiait des grâces de l'Éternel. Les jours passèrent et Caïn, qui avait de plus en plus de mal à supporter Abel, décida de le tuer. Prétextant d'une promenade dans la campagne, il donna par derrière un violent coup de pierre sur la tête de celui qui, confiant, l'avait accompagné sans crainte et en toute affection. Son forfait accompli, Caïn partit sans se retourner, laissant le corps sans vie de son frère au vautour et au chacal. Alors Dieu lui parla. « Caïn, Caïn, où est ton frère ?» L'autre se mit à mentir et faire mine de ne rien savoir. « Caïn, pourquoi as-tu fait une chose aussi terrible ?» Alors Caïn réalisa que Dieu avait tout vu, que Dieu connaissait la noirceur de son âme d'assassin. Dieu, pour le punir, fit que la terre devint sèche. Rien, rien, plus aucune récolte sur les terres de Caïn. Puis, il le condamna à marcher au hasard, à errer comme un vagabond, sans maison, sans famille, pour le restant de ses jours. Caïn fut donc maudit pour avoir été trop fier, incapable de se remettre en cause, et coupable d'avoir assassiné son frère Abel, alors qu'ils auraient pu vivre ensemble, en harmonie, sous le regard bienveillant de Dieu.